Salut les amis, bienvenue dans Happy Dance 35, l'unique émission qui vous fait découvrir chaque semaine. Vous le savez, c'est les 35 meilleures musiques EDM et ben de la semaine. D'ici quelques instants, on va partir pour 2 heures de son presque non-stop. Mais avant ça, voici les 4 singles qui sont sortis du top 35 cette semaine. Rabbit Hole de Camel Fat, écoutez ça. C'est pas tout, on a aussi Crayola de Green Lights qui nous quitte encore une fois. One Night de MK. Et pour finir, celui qui nous quitte aussi cette semaine, c'est Safety 2020 de Gashi. Allez, tout de suite, les amis, on commence le classement de cette semaine avec deux grandes nouveautés. Il s'agit de Feeling Good de Nightmare et Slender en 34e position. Et dès à présent, c'est Honest de Sun Hollow et Broods. Bienvenue dans Happy Dance 35. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 35. Thank you. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 34. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Part is knowing that I On vient à l'instant d'écouter Need Your Love de Griffin et des Seven Lions dans Happy Dance 35, les amis. On continue avec toujours plus de musique puisque d'ici quelques minutes, il y aura deux nouveautés, dont une de Madonna, ça s'appelle I Don't Search, I Find. Écoutez ça. Ça sera le numéro 30 de cette semaine. C'est pas tout, on aura aussi Feeling Good de Sophie Tucker, nouveauté numéro 31 de la semaine. Une nouveauté qui dépote, et puis tout de suite, vous connaissez la musique qui arrive, c'est This Is Real de Jack Jones et Ella Anderson qui est de nouveau de retour dans ce Top 35. Hit numéro 32. Got vertigo falling down, 'cause you're going to my head. Can I recognize the sound? Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 31. Let me. feeling good. I feel myself and I'm feeling understood. Pet me, feed me, let me rest. Take me on a walk and tuck me into bed. I'm just a needy feline stroke my head and I'm fine. It's really simple, I'm feeling good. I feel myself and I'm feeling I Et voilà, dans les nouveautés de cette semaine, vous aurez reconnu la voix de la reine de la pop. Je parle bien évidemment de Madonna. C'était I Don't Search, I Find qui vient de faire son entrée dans le top 35 à la 30e place. Tout de suite, on continue avec plus de musique puisque d'ici quelques minutes, il y aura Rushing Back, Thérapie de Duc Dumont et Monkey Business des Pet Shop Boys. C'est la nouveauté que je vous avais annoncée sur Facebook. Et bah, ça arrive juste après On My Mind de Diplo et Side Piece. Hit numéro 29. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 28. Get on board, I'm back in town. heures de meilleure hit musical dance électro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 27. The hurt was so deep, it's taken so long to say. You got me on my knees, down, praying, hoping that you'll take me to a place somewhere there's no more pain. Therapy or something stronger, anything to take me away. I'm Joseph or never damn you. C'était à l'instant Thérapie de Duc Dumont qui a signé son gros retour dans ce top 35 en gagnant exactement 15 places puisque c'était le numéro 27 de cette semaine. À suivre dans Happy Dance 35, c'est Rushing Back de Flume et Vera Blue, toujours numéro 26. Hit numéro 26. I always let the day slip away, I should have been making up my mind. I never opened up, took it all in and now I'm running out of time. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past, way too young to know the reason why. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back, rushing back. And it all comes rushing back. I feel the gravity pulling me faster than it ever has before. When I was 17, 19, loving had me rushing out the door. I try to hold it back, take a breath, looking at old pictures on the floor. But I hear everything telling me À l'instant, Rushing Back de Flume et Vera Blue, j'adore cette chanteuse, franchement, sa voix passe très très bien dans cette chanson qui vous fait, j'espère, très plaisir à écouter dans ce top 35. On continue toujours le top 35 d'ailleurs avec encore 25 chansons à écouter. Il y aura tout à l'heure, attention, Sam Smith avec I Feel Love, et oui, l'amour est présent. C'est pas tout, puisque Sam Smith, eh bien, il y aura aussi Turn Me On de Riton. Alors ça, c'est pas de l'amour, mais ça donne envie de danser, écoutez ça. Alors si ça, c'est pas bon, je ne peux plus rien pour vous. Allez, tout de suite, place à une nouveauté, c'est Never Felt Love Like This de Galantis. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 25. I was lost in a love that was built to lose. And no, all the nights I would lie, try to hide the truth. Got so scared to be lonely, but scared of something new. Pain and darkness around me, I see a light in you. To the past, it's a victory. And I feel the start of a rush taking over me. Got so scared to be lonely, but scared of something new. Pain and darkness around me, I see a light in you. Danish Cousin avec Fall in Love, ça arrive juste après I Feel Love de Sam Smith. Avec Gismael, vous écoutez Happy Dance 35. Hit numéro 23. It's so good.

heure d'émission vient déjà de passer dans votre émission préférée Happy Dance 35, l'unique et seule émission présentée par moi-même Ismaël, où je vous présente tout simplement les 35 meilleurs tubes musicaux EDM de la semaine. Ça tombe bien, et bien puisqu'on est encore ensemble pour une heure, on a encore 19 titres à écouter et à découvrir si c'est la première fois pour vous. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller vous abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Vous tapez Happy Dance 35 ou Happy Dance EDM, vous devrez tomber dessus très facilement. Et bien je mets quelquefois tout simplement des informations, mais pour l'instant restons dans l'émission de cette semaine avec la suite en musique qui arrive tout à l'heure. Il y aura Body Back, le numéro 16 de cette semaine, écoutez ça. Griffin et Body Back toujours autant présents dans ce top. C'est pas tout puisque vous la connaissez, Jennifer Lopez, elle est toujours là avec Baila Conmigo. Imagínate, vamos a tocar el cielo con las manos. Ce sera le numéro 17, et puis le numéro 16 de cette semaine, c'est Illenium, In Your Arms, toujours à la même place. You know, I'm not afraid as long as you're next to me. Et tout de suite, ce qui va arriver, c'est Purple Hat de Sophie Tucker qui gagne 3 places par rapport à la semaine dernière. C'est le numéro 19 dans Happy Dance 35. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 19. Purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing on the people. I got purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dance on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the dancing on the people. I got people. Built a home.

there's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. Combien de fois par jour pouvez-vous écouter cette chanson Forever Yours de Kaigo avec Avicii et Sandro Cavazza? Moi, beaucoup de fois, tellement le DJ me manque. En tout cas, on va continuer tout en restant fort dans cette émission Happy Dance 35 avec un tube aussi ancien presque qu'Avicii quand il était connu. Ça date de 2011, c'est On The Floor de Jennifer Lopez et Pitbull qui a quand même perdu 6 places depuis la semaine dernière. Hit numéro 9. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, I'm go get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie. No more limit, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Deux heures de meilleure hit musical dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 10. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah. You have four takeaway. I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, me, me. It's what I want. So how do we get here? 3 weeks now we've been so caught up. Better if we do this on our own. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na. Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na. Even if I am not here to stay, I still want your heart. You have four takeaway, yeah, yeah, yeah, yeah. You have four takeaway. So you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na na. Even if I am not here to stay, I still want your heart. Les amis, vous avez reconnu cette chanson classée numéro 9 cette semaine et qui a gagné une place. Elle est certifiée disque d'or aux USA. C'est Takeaway des Chainsmokers et Illenium en featuring avec Lennon Stella qui était à l'instant dans Happy Dance 35. Allez, on continue avec plus de sons puisque tout à l'heure on aura Illenium avec Good Things Fall Apart. C'est toujours le numéro 5, écoutez ça. C'est pas tout, il y aura aussi DJ Regard avec Ride It, le numéro 6 de cette semaine. Et Major Lazer, ça arrive tout à l'heure juste après Post Malone.

saca calor. Y acá, para la muñeca, por favor. De musique dance électro non-stop avec Ismaël. Les amis, vous êtes toujours dans Happy Dance 35 avec moi-même Ismaël. J'espère que vous passez vraiment un super moment. On va continuer toujours avec bien plus de musique. Vous connaissez la chanson. À l'instant, on a pu écouter notamment DJ Regard avec Ride It, qui était le numéro 6 de cette semaine et qui avait gagné une place. On va continuer avec tout à l'heure Higher Love de Kygo et Whitney Houston, toujours numéro 3. Il y aura aussi Lost Control de Medusa qui gagne 2 places cette semaine et qui arrive à la numéro 4. Mais tout de suite, c'est Good Things Fall Apart, toujours bien ancré à sa 5ème place. Il aime cette position, c'est de Illenium et Jumbelion sur Happy Dance 35. Hit numéro 5. Did I say something wrong? Did you hear what I was thinking? Did I talk way too long when I told you all my feelings that night? Is it you? Is it me? Did you find somebody better? Someone who isn't me? Cause I know that I was never your type. Never really your type. Overthinking's got me drinking, messing with my head. Whoa. Tell me what you

Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Nah. Soy tóspero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. Vous savez les amis, mais ça y est, l'émission vient de se terminer, ça fait 2 heures que nous sommes ensemble dans Pidance 35, c'était Ismaël avec vous au micro, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et au Twitter de l'émission, vous checkez sur internet Pidance 35, vous tomberez aussi eh bien, sur le site de podcast, tout simplement, voilà, vous pourrez écouter toutes les émissions, même celles de 2019, donc pour vous dire, vous pouvez remonter loin, mais bon, si vous nous écoutez depuis les plateformes de streaming, Spotify, etc., ça marche aussi. Sur ce les amis, eh bien, bonne fin d'émission à vous, c'était encore une fois Ismaël au micro, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Happy Dance 35. Ciao, bye bye.